Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode spécial Halloween 2023 du podcast des nous. Pour ceux qui ont vu l'épisode spécial Halloween sorti en 2022, vous savez déjà qu'il existe des mangas d'horreur par Junji Ito. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il n'y a pas que Junji Ito qui sait faire de l'horreur dans les mangas au Japon. Incroyable! Aussi incroyable que cela pourrait sembler, Junji Ito n'est pas le seul auteur de manga à effleurer le genre horrifique. Je n'en ai lu qu'assez peu personnellement, mais j'en ai tout de même lu quelques-uns. Notamment, mais pas uniquement, via un bundle de manga scanné offert en octobre 2020 par Human Bundle. Je n'ai d'ailleurs toujours pas lu l'intégralité de la chose, je n'ai pas nécessairement envie tous les jours de me lire des scans de manga horrifiques, puis certains titres sont incomplets. J'ai tout de même eu l'occasion de lire quelques autres mangas touchant l'horreur, en dehors de ce bundle. Je me dois de préciser que ce ne sont pas tous des mangas de genre horreur de manière spécifique. Certains des mangas ne font que s'approcher du genre sans réellement en faire partie. Mais cela n'empêche aucunement tous ces mangas d'être intéressants. Et je viens de me rendre compte que mon micro se bougeait tout seul. Donc, je vais commencer avec un premier manga touchant l'horreur. Le manga Kasane. Que je prononce peut-être pas bien le titre, mais bon. C'est une excellente série de Daruma Matsura en 14 volumes, publiée de 2013 à 2018, mettant en scène une fille laide qui, grâce à un rouge à lèvres magique laissé par sa mère, une fameuse actrice reconnue pour son talent et sa beauté, va pouvoir voler l'apparence de d'autres femmes et ainsi devenir une actrice. Un manga passionnant qui nous plonge dans l'univers de l'art dramatique, de la beauté, de l'horreur, de la solitude, rempli d'émotions. L'histoire nous invite à poursuivre pour savoir ce qui va arriver, à nous faire peur, nous invite dans un monde plein d'horreur et d'émotions, vraiment un magnifique manga. Pour ceux qui se systèment de mon système de notes, qui est sur 5, je donne un 5 sur 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que, par exemple, le COVID-19. Oui, je suis pas du tout dans l'actualité. J'étais pas très inspiré. Donc, je donnerai à ce manga une note de 4. C'est vraiment très, très bon. Et je sens que je vais éternuer. Foutues allergies. OK, finalement, j'ai pas éternué. Bon. Je vais maintenant parler de Sankarea. C'est une étonnante série de Mitsuru Hattori en 14 volumes, publiée de 2009 à 2014 avec une intrigue totalement idiote qui aurait pu laisser penser à une énième love comedy à base de tropes et de fanservice avec assez peu d'humour et de sentimental qui, au final, est une bonne petite histoire avec pas mal de bonnes idées et qui, approfondit pas mal les personnages. Plutôt un drame fantaisiste. On est bien loin des comédies typiques. Un ado fan de zombies décide d'essayer de faire revivre son chat avec une potion de résurrection dont il a trouvé la recette dans un vieux bouquin. Mais une fille va boire la potion sans savoir ce que c'était dans une tentative de suicide, puis va se faire accidentellement tuer par son père durant une dispute, ce qui fera d'elle une zombie avec le fan de zombies qui va prendre soin d'elle. Je donnerai à ce manga une note de 3. C'est un divertissement très honnête. Je vais maintenant parler de Happiness, une très bonne série de Shizuo Oshimi en 10 volumes, publiée de 2015 à 2019, à propos d'un adolescent qui, après avoir été attaqué par une vampire, soit va offrir entre le choix entre mourir ou devenir comme elle. Il choisit bien sûr la seconde option. Ce qui aurait pu être une banale histoire de vampire se révèle assez intéressante de par son intérêt pour les sentiments des personnages, certaines petites réflexions, une histoire bien construite et un style très réussi. L'histoire m'a peut-être semblé un peu trop courte, mais c'est peut-être parce que je l'ai lu trop vite, tout simplement parce que c'est bon et ça se lit bien. C'est mon premier manga de Shizuo Oshimi et certainement pas mon dernier. Je donnerai à ce manga une note de 4. C'est vraiment particulier. Passons donc à Until Your Bones Rot, une série de Yae Utsumi en 7 volumes parus de 2016 à 2018. L'auteur nous propose une intrigue à la I know what you did last summer, mais le fait en mieux, ce qui ne peut être pas un exploit, mais c'est déjà ça. L'intrigue est assez bien menée, c'est un trailer efficace, pas un slasher stupide, quoique j'aime bien I know what you did last summer, c'est stupide mais amusant. Ici on est dans du sérieux et on se demande vraiment ce qui va se passer, même si je doute que je relise la série un jour. Je lui donne tout de même une note de 3, c'est très divertissant. Ce qui m'amène maintenant à Princess Résurrection, série par Yasunori Mitsunaga, publiée en 20 volumes de 2005 à 2013, à propos d'un ado tué accidentellement par une princesse du monde des monstres qui l'a ressuscité, mais par de ce fait, elle en a fait un servant de cette dernière, qui est, malgré elle, impliqué dans une guerre de succession. Un shonen qui a un assez bon potentiel pour amuser, de par son concept, son univers intéressant, ses personnages, surtout son utilisation de personnages ou créatures iconiques de l'horreur, mais qui se perd en longueur et répétition avec quelques intrigues amusantes par moment, mais des retournements trop rarement intéressants. Je donnerai donc à cette série une note 2, c'est assez moyen. Je n'ai pas encore lu la suite Princess Resurrection Nightmare et je me demande si je vais le faire un jour. Ce qui m'amène donc à L'école emportée, un classique de Kazuo Umezu en 11 volumes publiés de 1972 à 1974. On peut au premier abord être un peu repoussé par le graphisme un peu daté, le rythme un peu lent au départ et la galerie de personnages trop jeune, mais ça serait de s'empêcher de lire un manga renversant, extrêmement psychologique, trop bien construit, une ambiance inquiétante, très réussie, de fortes émotions et une œuvre intelligente. Une école primaire et ses étudiants se retrouvent soudainement dans un monde désert et hostile. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni où nous sommes, mais les enfants vont devoir apprendre à survivre dans ce monde où les quelques adultes travaillant à l'école vont tomber dans la folie en se suicidant ou en devenant violents. Je donnerai à ce manga une note de 4. Je lui aurais sans doute donné un 5 si ce n'était pas du visuel, qui est franchement un peu daté. Passons maintenant à Dragon Head, une série de 10 volumes par Minetaro Moishizuki, publié entre 1994 et 1999. Alors qu'un jeune est en train de revenir à Tokyo de son voyage scolaire en train avec ses camarades, un accident semble arriver et le train se trouve prisonnier dans un tunnel. Quand il reprend connaissance, tout le monde de lui est mort. Il va trouver deux autres survivants, une fille sans connaissance et un gars qui semble perdre la tête. Comment vont-ils survivre? Va-t-on revenir les sauver? Que s'est-il passé? Comment la situation va évoluer? Après quelques volumes, on sort dans le Japon à l'extérieur du tunnel pour admirer un cadre post-apocalyptique et on essaie de survivre et éventuellement rejoindre Tokyo pour savoir si les proches ont survécu. On doit combattre la peur, la folle atmosphère est très réussie et surtout les dessins sont magnifiques. Les personnages ne sont pas tellement profonds, mais on s'attache malgré tout à eux, on s'identifie à eux, on veut savoir ce qui va leur arriver, on s'inquiète pour eux. Il y a bien quelques moments horribles, mais ce n'est pas exactement de l'horreur, plutôt un thriller de survie dans un monde post-apocalyptique. Ce manga est un véritable page-turner. Il est très difficile de s'arrêter de le lire tellement on veut savoir ce qui va arriver ensuite, comment vont évoluer les situations, si les héros vont survivre, si on va expliquer les mystères. Même entre les différents arcs du manga, il est difficile de s'arrêter tellement on veut connaître la suite. Tellement on veut connaître la suite. Par contre, pour bien des gens, la fin risque d'être extrêmement décevante. Je ne parle pas vraiment de la situation dans laquelle sont laissés les personnages. Certains en seront peut-être mécontents, mais ce n'est pas du tout mon cas. Et puis cela fait du sens avec de très réussies toutes dernières pages. Ni même sur les mystères entourant la situation de la série, mais les derniers chapitres envoient tellement d'éléments intrigants que cela en devient frustrant du peu qu'il en est fait, surtout en ce qui a trait à une intrigue en lien avec le titre de la série. Oui, j'essaie d'être le plus vague possible pour ne pas spoiler, mais ceux qui ont lu le manga sauront de quoi je parle et les autres s'en rendront bien compte au bon moment. Mais ne prêtez pas trop attention au titre de la série, ceci est un avertissement sérieux. Un très bon manga, sauf peut-être la fin, mais en réfléchissant, ce n'est peut-être pas si mal, cela a de bons côtés, et puis l'essentiel est le voyage qui fut pour moi excellent. Donc ce manga se mérite un 4. Abordons maintenant Fire Punch, un manga en 8 volumes publié de 2016 à 2018 par Tatsuki Fujimoto, mieux connu par son manga actuel Chainsaw Man, que je n'ai pas lu. C'est bien sûr aussi quelque chose d'assez barré. Dans un futur post-apocalyptique où les gens meurent de froid, de faim ou de violence, certains ont des pouvoirs. Le personnage principal a un pouvoir de régénération. Il l'utilisait pour nourrir les habitants de son village en se coupant le bras. Lorsqu'un type passe dans le village en remarquant l'alimentation cannibale des villageois, lui et ses hommes vont brûler le village, ce qui va tuer tout le monde, sauf le héros, y compris sa sœur. Celui-ci devient complètement enflammé avec des flammes éternelles. Il va devoir apprendre à vivre et se mouvoir malgré l'intense douleur continuelle. Après plusieurs années, il réussit à reprendre le contrôle de son corps et va l'utiliser pour atteindre un seul objectif, se venger. Tout cela n'est que le pitch de départ. La principale particularité de ce manga shonen, à mon avis, est que de nombreux moments, l'intrigue est balancée dans diverses directions différentes avec divers retournements de situation ou diverses révélations. Ce qui est à la fois un bien et un mal. La série a un déroulement totalement inattendu avec de nombreuses surprises où on passe par plein d'émotions différentes où on aborde des sujets que l'on n'aurait jamais vu venir. Par contre, cela aura bien sûr le manga par moments moyennement cohérent, avec quelques déceptions ou idées faciles. Ça reste très bon, avec beaucoup d'émotions, mais c'est assez peu profond. Même s'il y a des messages et concepts intéressants, ça reste assez superficiel, surtout pour du style. Je donne donc à ce manga une note de 3, c'est tout à fait divertissant. Ce qui m'amène à Baptisme. Un autre manga de Kazuo Umezu, l'auteur de L'école emportée, publié de 1974 à 1976 en 4 volumes. Bien que du même auteur, la série est très différente de L'école emportée. Il n'y a pas tout le world building et la situation sociale de son prédécesseur, mais bien qu'il ait été fait juste après, il est beaucoup plus abouti graphiquement. Il est aussi sans doute plus psychologique. L'école emportée proposait des bouleversements psychologiques assez particuliers, mais à travers un tas de personnages. Ici, puisqu'il y en a beaucoup moins, on se concentre plus sur ceux-ci. Cette horreur psychologique propose malgré tout, elle aussi, une situation assez horrible. Une actrice reconnue par sa beauté, qui est justement en train de perdre sa beauté, développe avec l'aide de son médecin un projet monstrueux. Devenir mère d'une fille pour éventuellement, quand celle-ci sera assez grande, remplacer le cerveau de sa fille par le sien pour qu'elle soit belle à nouveau et puisse avoir une nouvelle vie loin des projecteurs où elle pourrait vivre l'amour, une grande réussite à laquelle je donne la note de 4. L'édition que j'ai lue incluait en supplément deux histoires courtes fort sympathiques. Avant de continuer, je précise que plusieurs des mangas que j'ai mentionnés et que je vais mentionner ne font pas partie du bundle horreur de Human Bundle. Je suis pas mal allé en fait dans l'ordre dans lequel j'ai lu les différents mangas. Ce qui m'amène à Inuyashiki, qui faisait partie du bundle. Qu'est-ce que ce manga faisait donc dans le bundle de mangas d'horreur? Ça n'a pas grand-chose d'une histoire d'horreur, on est en quelque sorte plus près d'une histoire de super-héros. Quoique... Ce manga en 10 volumes de Hiroya Oku, publié entre 2014 et 2017, raconte l'histoire improbable d'un vieil homme, salaryman pas très riche, marié et père de 2 enfants auxquels personne ne porte attention sauf son chien, qui se fait tuer par une soucoupe volante, et les extraterrestres vont, pour passer inaperçus, le reconstruire avec le matériel militaire qu'ils ont sous la main. Est-ce que l'idée d'extraterrestres construisant des humains qu'ils ont écrasés en les transformant par gaffe est un sujet fréquent au Japon? J'ai déjà vu un animé avec un point de départ similaire où un ado est reconstruit par erreur en fille. Kashimashi Girls Meet Girl, une série qui m'avait déçu avec Satoru Akaori comme scénariste du manga, je m'attendais à quelque chose de bien amusant alors que ça reste dans le tout gentil Mimi. Pour en revenir à Inuyashiki, le vieil homme protagoniste de ce manga devient donc un cyborg doté de divers pouvoirs et va décider de les utiliser pour sauver des vies, mais il n'est pas le seul. Un adolescent a subi le même événement et il va utiliser ses pouvoirs pour tuer, notamment en tirant sur des gens juste en pointant un doigt dans leur direction. Un nerd, ancien ami d'enfance de l'ado tueur, apprend l'étendue de ses pouvoirs et va s'efforcer de rejoindre le vieil homme pour l'aider à faire le bien et à s'entraîner en vue de l'inévitable affrontement. Malgré le sujet super bizarre, le développement de l'intrigue reste assez classique. L'ado tue de nombreuses personnes, mais le manga n'insiste pas tant sur la chose, cela ne devient pas une série d'horreur du tout. Pour un peu tous les personnages, la série est assez travaillée d'un point de vue psychologique, de l'émotion. On aborde aussi vaguement quelques sujets de société plutôt intéressants, même si ce n'est pas vraiment approfondi. Ce qui se remarque le plus dans ce manga est son graphisme hyper réaliste. Cela aide sans doute à avaler son intrigue, mais si ce dessin est très détaillé et totalement une réussite pour ce qu'il cherche à faire, je ne suis personnellement pas particulièrement fan, je trouve ça souvent assez moche en fait. Le niveau de détail des éléments robotisés est intéressant et les personnages jeunes sont généralement assez bien désignés avec un style joli. Mais je n'embarque pas vraiment dans les décors quasi photographiques. Je ne suis pas non plus super fan du découpage assez souvent de très grandes cases et à peu près pas de texte. Ça se lit bien trop vite pour raconter au final assez peu. Je me trompe sans doute puisque la série a tout de même duré 10 volumes et a eu le temps de terminer son histoire, mais je me dis que ça devait être frustrant pour les lecteurs de la prépublication dans Evening avec aussi peu de contenu par chapitre. Je n'ai pas vraiment été renversé par ce manga, mais il y a tout de même quelques très bons moments et comme je l'ai déjà dit, les personnages sont plutôt bien travaillés. L'intrigue est tout à fait efficace, c'est plus avec son rythme que j'ai un problème et avec les dessins du décor. Je lui donne une note de 3 sur 5, ça reste très sympathique. Je vais maintenant aborder Starving Anonymous, une série de Yu Kuraishi et Kazu Inabe en 7 volumes, publiés de 2016 à 2018, assez particulière. Un ado revenant de l'école en bus se retrouve, après avoir été endormi avec les autres passagers, dans un entrepôt où des tas d'humains sont gavés pour en faire de la nourriture pour des monstres. Il va rencontrer d'autres personnages qui étaient déjà là avant lui, avec lesquels il va essayer de ne pas mourir. Au début de la série, on ne comprend rien et on apprend un peu plus au fur et à mesure de l'intrigue. Le dévoilement du scénario n'est pas toujours très subtil avec plusieurs moments d'infodump, un peu abusif, plus la série avance. Des informations qui ne sont pas toujours essentielles. Un peu de mystère aurait sans doute été mieux que certaines révélations. Des idées pas toujours très originales et parfois des concepts super bizarres sortis d'on ne sait où. Le rythme ne marche pas toujours bien, alternant entre des séquences d'horreur et ou d'action avec très peu de texte et de très grandes images qui se lisent super vite et les passages infodump et ou flashback bourrés de texte. Mais ça n'empêche la série d'avoir des images horribles à souhait, un graphisme très réussi, des personnages généralement intéressants, un déroulement correct avec plein de bonnes idées, ça aurait juste mérité d'être un peu mieux équilibré. Je lui donne donc une note de 3 sur 5. Je lui donne donc une note de 3 sur 5. Semble-t-il que les auteurs font une suite, cela me surprend un peu, la fin étant parfaite. Je vais donc maintenant parler de Museum, un manga en 3 volumes, de Ryosuke Tomoe, publié en 2013-2014 à propos d'un policier qui enquête pour trouver un meurtrier en série. Ce manga propose un récit classique bien huilé, avec un développement très réussi, un véritable page-turner. Le récit n'est pas particulièrement exceptionnel, mais il est très bien mené. Le dessin n'est pas génial, mais il est tout à fait efficace. En gros, ce manga policier ne se démarque pas tellement, mais ce n'est pas un mal, tellement il est réussi. La série n'aurait bien sûr pas gardé son intérêt, si elle avait traîné en longueur, ici la durée en 3 volumes est parfaite. Ça pourrait sans doute faire un bon film ou mieux une bonne mini-série. Il y a en prime deux histoires bonus qui sont, ma foi, tout à fait intéressantes, celle à la fin du second volume, me semble assez peu original pour son genre, mais très réussi, et celle en 3 chapitres à la fin du 3e volume est plutôt moche visuellement, mais bien menée. Si je me base sur tout ça, Ryosuke Tomoe me donne l'impression d'être un auteur qui ne se démarque pas vraiment, mais qui est efficace, ce qui est déjà très bien. Ça fait du bon divertissement, de bons moments à passer, et cela très certainement du contenu sympathique dans la revue où c'est publié, peut-être même un peu de diversité, si c'est calculé pour tomber au bon moment, quand il n'y a pas de récit similaire dans les pages de la revue. Je lui donne donc une note de 3 sur 5. Tiens, en googlant l'auteur, je m'aperçois que ce manga a bel et bien adapté en film en 2016. Ce qui termine mon tour d'horizon des mangas horrifiques de d'autres auteurs. Par contre, il y a des histoires horrifiques partout en bande dessinée. Ce n'est pas exclusif au Japon, bien évidemment. Si vous vous intéressez, par exemple, à la Corée, au phénomène du manhwa, et plus particulièrement du webtoon, je vous recommande très chaudement la série Sweet Home. C'est absolument horrible. Il y a aussi une série préquelle qui est très sympathique. Je l'ai beaucoup appréciée, même si j'ai préféré la série originale Sweet Home. Sur ce, passez un bon Halloween et ne mangez pas trop de bonbons. 'J'oubliais. Au revoir. Et à bientôt.